Les peuples mésopotamiens, égyptiens et même phéniciens ont écrit les premiers bouquins. Mais quand je les lis, j'y comprends rien. Les pictogrammes cunéiformes, je ne déchiffre pas leur forme. Les hiéroglyphes et l'alphabet, je ne connais pas leurs secrets. Le croissant fertile, il y a moins 3000 ans, c'était rempli de très grands monuments, embelli d'écriture et de sculptures, construit pour de grands chefs d'État, c'est sûr. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce passé? Des ruines, des lignes dans mon cahier. En Mésopotamie, des rois je les cités-États, pharaons et ses fonctionnaires règnent sur un royaume dans le désert. Moi je dois obéir à mes parents, fais tes devoirs, hein. Et ça c'est pas marrant tout le temps. Ah ça non, ah ça non. Si je ramène pas de très bon ordre, interdiction de voir les portes. Le croissant fertile, il y a moins 3000 ans, c'était rempli de très grands monuments, embellis d'écriture et de sculpture, construit pour de grands chefs d'État, c'est sûr. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce passé? Des ruines et des lignes dans mon cahier. Horus, Mesenki, Osiris, Nana, Enlil, Amon, Isis. Oui, je veux bien tous les prier, yeah, yeah. Et puis me faire momifier. Si le jugement de la balance m'offre à vie belles vacances, en tout cas j'ai vraiment du bol d'apprendre tout ça à l'école. À l'école. Le croissant fertile, il y a moins 3000 ans, c'était rempli de très grands monuments, embelli d'écriture et de sculpture, construit pour de grands chefs d'État, c'est sûr. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce passé? Des ruines et des lignes dans mon cahier. Le croissant fertile, il y a moins 3000 ans, c'était rempli de